léger sur le cœur. Je vais pas partir et te laisser solo. Te voir souffrir, non ça me convient pas. Tu peux tout me dire, tu sais que je suis là pour toi. Ma bella, je suis prêt à tout pour toi ma bella. Ils sont jaloux, je sais ma bella, laisse les parler. Ma bella, on ira loin peut-être ma bella. Prends-moi la main, viens ma bella, laisse les jacter. Tout seul c'est pas simple, tu me cherches, tu me trouves. T'as beau dire je t'aime, c'est les actions qui prouvent. Ma bella, qu'est-ce qui se passe oh ma bella. Je suis dans mon plan oh ma bella, je fais que penser. Ma bella, tu me parles de tape oh ma bella. Je te parle de cash oh ma bella, je fais que penser. Je croyais que c'était facile, quand moi je donnais les ficelles. Dans son cœur y'a des fissures, mais heureusement que c'est une ficelle. La la la, t'es le bon, t'es le meilleur. Tu me fais du mal, je peux pas t'oublier. Me voir avec une autre, ça te fait peur. Mon amour pour toi, je pourrais le crier. Et tu peux pas nier, sans te toucher, elle peut te mettre par terre. Il faut pas jouer, ne calcule pas, c'est pas le respect que les filles sincères. Elles sont pas toutes pareilles, on n'est pas tous les mêmes. Certaines aiment les caresses, certains ont la pris lorsqu'elles les touchent à peine. C'est vrai que c'est dur à vivre, un sacré délire. Nous deux c'était prédit, bloqué dans la street, j'attends que tu me délivres. Ma bella, je suis prêt à tout pour toi ma bella. Ils sont jaloux, je sais ma bella, laisse les parler. Ma bella, on ira loin peut-être ma bella. Prends-moi la main, viens ma bella, laisse les jacter. J'suis pas un fragile. Nous deux on s'en fout de tout. Non j'parle plus j'agis. Dans mon coin j'fais mes sous. J'suis pas un fragile. Nous deux on s'en fout de tout. Non j'parle plus j'agis. Dans mon coin j'fais mes sous.